Horreur sympathique. De ce ciel bizarre et livide, tourmenté comme ton destin, quelles pensées dans ton âme vide descendent ? Réponds, libertin. Insatiablement avide de l'obscur et de l'incertain, je ne geindrai pas comme Ovide chassé du paradis latin. Cieux déchirés comme des grèves, en vous se mire mon orgueil. Vos vastes nuages en deuil sont les corbillards de mes rêves, et vos lueurs sont le reflet de l'enfer où mon cœur se plaît.